franceinter.fr. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Marilyn Cursum Perficio, ici s'achève mon chemin, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Benjamin Habitant. Pour clore notre semaine américaine, nous consacrons cette fiction à une icône, une figure des États-Unis, Marilyn Monroe, l'un des plus grands mythes hollywoodiens, ou plus précisément, comment Norma Jean Baker devient Marilyn. Elle aurait 90 ans aujourd'hui, mais nul n'aura vu les outrages du temps sur cette beauté qui fait toujours rêver, et c'est bien ainsi qu'elle a scellé sa légende. C'est comme ça, Marilyn Monroe a 36 ans pour toujours. Sa carrière aura duré 16 ans, de 1947 à 1954. Elle a participé à 24 productions, et dans la seconde partie de sa carrière, elle n'a tourné que 5 films. Commence alors le phénomène Marilyn. On admire sa beauté éblouissante, mais on néglige l'actrice. Le public conquis la réclame, les studios sont contraints de lui donner des rôles, mais l'enferme dans une image qui va accélérer sa chute, celle d'une fille un peu sotte qui irradie de sensualité. À Hollywood, dira-t-elle, on vous paie $1000 pour un baiser et 50 cents pour votre âme. Oh, je le sais, parce que j'ai souvent refusé la première proposition. Pour la seconde, j'attends toujours. Si la vie de Marilyn est passée dans la légende, c'est parce que tous les ingrédients d'un mythe pour roman, photo et figure. Une enfance malheureuse, un physique de publicité, 3 maris dont 2 célèbres, une quarantaine d'amants dont certains très célèbres, une carrière météorique, une star avec une vie d'enfer, un penchant fatal pour le champagne et les tranquillisants, et enfin, une mort mystérieuse. Le mythe s'impose dès 1953 avec le film Niagara d'Henry Hathaway. Puis suivront « Les hommes préfèrent les blondes » d'Howard Hawks, « La rivière sans retour » d'Otto Preminger ou encore « Certains l'aiment chaud » de Billy Wilder. Touchante de franchise, fragile, vulnérable, émouvante et drôle, belle et sensuelle, elle est la plus parfaite incarnation de la féminité à l'écran. Femme-enfant, elle aurait voulu être considérée comme une adulte. D'Arthur Miller, elle dira « C'est le seul homme qui m'ait trouvé bien comme j'étais, qui s'intéressait à autre chose que le lit ». Leur lune de miel durera 2 ans, puis les démons reviendront hanter les nuits de Marilyn. Ses retards légendaires sur les lieux de tournage, son manque de rigueur et son incapacité à se plier à la discipline des studios finissent par lasser les producteurs et metteurs en scène qui se détournent d'elle. En 1962, Arthur Miller écrit pour elle le scénario des Misfits, qu'elle tourne sous la direction de John Huston, aux côtés de l'idole de son enfance, Clark Gable. L'histoire de ce film est celle d'un couple à la dérive. Est-ce le rêve brisé de Miller et de Marilyn? Arthur Miller lui fera dire dans un dialogue « Les maris et les femmes s'entretuent ». Marilyn est en train de vivre ce qui l'a terrorisé plus que tout, interpréter sa propre douleur à l'écran. Puis en 1962, tout va de plus en plus mal. Elle commence son dernier tournage, « Something's Got to Give » de George Cukor, mais elle ne le terminera pas. Marilyn meurt dans la nuit du 5 août 1962 à l'âge de 36 ans. C'était l'une des plus belles femmes du monde, parmi les femmes connues, et elle était désespérée. Elle est morte d'avoir été plus désirée qu'aimée. Après la fiction qui va nous amener en 1962 à partager un moment avec elle, nous recevrons pour nous parler de la légende Marilyn, Philippe Labreau, journaliste, écrivain et cinéaste, à la fois amoureux et grand connaisseur des États-Unis. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Marilyn, Cursum Perficio, ici s'achève mon chemin, de Vincent Hazard. New York, 7 février 1961. Laissez-moi sortir! Je ne suis pas folle! Bon, arrête. Non, je ne suis pas folle. Quand ils viendront, ils s'excuseront. Je les ferai tous s'excuser. Je vais pas me laisser traiter comme ça. Maman, tais-toi! J'en ai assez. Non, je ne suis pas comme toi. Toi, tu es folle, mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis une star. Tu verras, ils vont s'excuser. Ouvrez-moi tout de suite. Dépêchez-vous, sinon je casse tout. Joe, quelle agréable surprise. Marilyn, allez, viens, je vais te sortir de là. Ouais, la presse est au courant? Oui. Ils sont massés dehors comme des charognards. Au moins, ils ne m'oublient pas. Hollywood selon Eda Hopper. On apprend au moment de mettre sous presse que la divine Marilyn Monroe a été aperçue sortant discrètement de l'hôpital psychiatrique de Payne Whitney. Joe DiMaggio, la star du baseball et malheureux deuxième mari de la belle, est venu en personne la délivrer de sa cellule capitonnée. On peut quand même se demander pourquoi Arthur Miller ne s'est pas manifesté. C'est quand même lui le dernier mari en date. Visiblement, il a définitivement jeté l'éponge depuis leur séparation en novembre dernier, abandonnant la pauvre Marilyn à ses barbituriques et ses délires paranoïaques. Los Angeles, octobre 1961. Vous êtes encore en retard. Oh, je suis désolée, Dr. Grinson, j'essaie, mais j'arrive jamais à être à l'heure. Bah, si vous ne pouvez pas arriver à l'heure, alors arrivez en avance. Asseyez-vous. Comment vous sentez-vous? J'ai encore rêvé de l'hôpital psychiatrique. C'était horrible. J'ai rien pu faire de la journée. Ça vous fait penser à votre mère? Oui, mais c'est surtout pour le fait que les hommes de sa vie l'ont toujours abandonnée. Je vois bien que je reproduis le même schéma. Votre mère était schizophrène et instable depuis son jeune âge. Vous n'êtes pas dans la même situation. Ce sont vos excès qu'il faut contrôler. J'ai tellement peur de finir comme elle. Vous avez des nouvelles? Pas beaucoup. Apparemment, il s'occupe bien d'elle à l'institut. Mais je préfère ne pas trop la voir. Elle me dit toujours des horreurs. Vous habitez où depuis que vous êtes de retour à Los Angeles? Je dors dans un appartement que me prête Frankie. Vous voyez beaucoup Monsieur Sinatra en ce moment? Non, pas plus que d'habitude, on s'entend bien, mais il est toujours en virée avec son Rat Pack. Je n'ai rien contre Monsieur Sinatra, c'est un ancien patient, mais il a une vie trop dissolue pour vous en ce moment. Vous avez besoin de repos. Frankie me fait rire, on s'amuse. Et il ne traîne pas qu'avec la mafia, il me présente à du monde. Je ne peux pas trop en parler, mais il m'a présenté à des hommes puissants. Je crois savoir de qui vous parlez. Faites attention sur ce terrain-là. Moi, je sais. Je n'attire que les hommes mariés. Mais Arthur Miller a bien quitté sa femme pour moi. Je sais arriver à mes fins. Je vous fais confiance pour ça. Je vous dis juste que le monde de la politique peut être aussi dangereux que celui de la mafia. Vous avez raison. Il faut que j'arrête avec tout ça. Je veux une vraie famille, des enfants. Le temps est compté, je le sais. Il faut juste trouver l'homme qui saura vous rendre heureuse. Mais ça viendra. Vous avez le temps. Los Angeles, novembre 1961. Alors, Jeanne, qu'en penses-tu? Franchement, j'adore, c'est tellement chic. Tu vas l'acheter? Je crois que oui. Elle n'est pas immense, il y a un vis-à-vis gênant, mais je suis sous le charme. Regarde ces poutres apparentes. En plus, tu as une piscine, tu pourras y faire des cochonneries avec Frankie. Ça va me manquer de ne plus me faire réveiller par vos galipettes. Oh, quelle chipie! Moi aussi, je vais regretter de ne plus t'avoir comme voisine. Mais tu as vu l'inscription à l'entrée? Cursum perficio. Ici s'achève mon chemin. C'est un signe. Je sens que je vais me poser dans cette maison, arrêter les bêtises. C'est de plein pied, trois chambres, c'est idéal pour une famille. On ne sait jamais, les choses se passent bien entre Frankie et moi en ce moment. Tu sais, il peut être très tendre. Il est comme moi, on se comprend. Ouais, je ne sais pas. Il ne sait pas se tenir tranquille. Tu sais que j'avais dû avorter à cause de lui quand il était encore marié avec Ava Gardner. Oui, mais tu aurais dû garder l'enfant. Pour toi, c'est un don de la nature. Moi, j'aurais tout donné pour qu'une de nos tentatives arrive à terme avec Arthur. Je m'excuse, Marilyn. J'aurais pas dû te reparler de ça. Puisqu'on parle de tes hommes, tu as revu John Kennedy? Non, pas depuis la dernière fois. Il était déjà difficile à coincer quand il n'était que sénateur. Alors maintenant qu'il est président... Mais il ne m'oublie pas, il m'a fait envoyer des fleurs pour la sortie des désaxés. Hollywood selon Eda Hopper. Il semblerait que l'insatiable Marilyn Monroe enchaîne les conquêtes à un rythme effréné. Elle a été aperçue récemment au bras du libertin Frank Sinatra et de divers hommes politiques lors de soirées débridées. Tout cela n'est pas très bon pour sa santé ni pour sa carrière. Elle se remet difficilement d'une opération de kyste et la rumeur fait état de sa dépendance aux barbituriques. Avec en plus à gérer l'échec de son dernier film, Les Désaxés, le retour sur les écrans de la star de 35 ans risque de se compliquer. Souhaitons-lui de se ressaisir et de nous revenir avec un grand film. Joyeux Noël, Dr. Grinson. Joyeux Noël, Marilyn. Vous avez passé une bonne soirée dans votre nouvelle maison ? Oui. Et Joe aussi, il aime la maison. Il est venu pour la soirée de Noël comme l'année dernière. C'est drôle. Sans lui, je l'aurais encore passée toute seule. Je lui avais dit que je n'avais pas encore de meubles, alors il est arrivé avec des fleurs et des chaises pliantes. On a passé une très bonne soirée. J'avais préparé des petits fours en entrée. Il a adoré. Et vous, comment vous vous êtes sentie ? Bien. J'aime bien être avec lui. Mais il veut toujours que j'abandonne ma carrière, et ça, ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'appelais aussi pour vous annoncer que j'ai suivi vos conseils. J'ai signé pour Something's Got to Give. Ah, très bien. Oui, Dean Martin jouera mon mari. La Fox m'a fait une belle offre. Je crois que ma performance dans Les Désaxés les a convaincus malgré le peu d'entrées. Ah oui, sûrement, mais vous étiez très bien. Ouais. Il semblerait que les cours de l'acteur studio aient servi à quelque chose, finalement. Bon, la seule ombre au tableau, c'est que je vais devoir me coltiner l'affreux George Cukor à la réalisation. Quel homme insupportable. Il a un cœur de pierre. Vous aurez votre coach pour vous soutenir. Et les gens du studio vous traiteront bien. Ils ont intérêt à sortir un grand film pour renflouer le gouffre de Cléopâtre. Le budget du film a explosé. À croire qu'il est plus facile de tourner avec Marilyn qu'avec Liz Taylor. C'est un comble. Mais je sens que 1962 va être mon année. Je vous le souhaite de tout cœur. Docteur. Oui ? Il me faudrait une nouvelle ordonnance. Une ordonnance ? Pourquoi ? Oh, vous savez bien, j'ai des douleurs à cause de mes kystes. Il me faut du Nambutol. Vous avez déjà des prescriptions. Si vous en prenez trop, c'est ça qui aggrave vos problèmes de kystes. Mais je n'arrive pas à dormir. La maison est grande, elle est vide, c'est oppressant. Vous avez Eunice. Mais vous m'avez mis un vrai garde chiourme. Elle m'espionne. Eunice est une grande professionnelle. Elle va vous aider à gérer le quotidien. De toute façon, j'ai pas besoin de vous. Je peux en obtenir auprès du docteur de la Fox. Vous ne me servez à rien. Je suis là pour vous aider. Nous reparlerons quand vous serez mieux disposé. Allez au diable! Los Angeles, mars 1962. Je suis désolée, j'ai tout fait rater. C'est que ce voyage n'était pas une bonne idée. Non, c'est pas de votre faute. C'était une bonne idée. Partir me changer les idées, laisser Eunice s'occuper de la fin des travaux dans la maison, hein, c'était parfait. Le Mexique est magnifique. J'ai été sage au début. J'ai fait du shopping pour les meubles. Et puis, je suis tombée sur des amis américains qui m'ont entraînée dans des soirées. Ouais, j'ai été faible. C'est bien que vous le reconnaissiez. C'est important de réduire les sorties. Sauf quand il s'agit d'aller chercher un prix aux Golden Globes. Félicitations. J'ai été surprise de gagner. Je rentrais à peine et je ne ressemblais à rien. Mais ça a fait du bien au moral avant d'entamer le prochain tournage. Je ne serai pas là pour vous aider au début. Je dois partir en urgence pour l'Europe. Ma belle-mère a eu une attaque. Mais je vous laisserai des coordonnées pour m'appeler en cas d'urgence. Je sais que vous ne pouvez pas rester tout le temps à ma disposition. Vous m'avez accueillie comme un membre de votre famille. J'en suis déjà très reconnaissante. Marilyn, vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je ne vous abandonne pas. Je sais. Vous serez bien entourée pendant mon absence. Eunice sera là pour veiller sur vous. Paola Strasberg a accepté de venir sur le tournage. C'est une excellente coach et j'ai confiance en elle. Vous serez bien. Vous savez ce qu'il faut faire. Et si je vous disais que j'ai rencontré quelqu'un ? C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a la gentillesse de Joe DiMaggio, l'intellect d'Arthur Miller et la beauté d'Yves Montand. Je vous aide. Il a beaucoup de pouvoir. Ne me dites pas que vous avez revu le président. Non, c'est un salaud, il ne répond plus à mes coups de fil. Non, mais vous n'êtes pas loin. Robert Kennedy. Son frère me l'a mis dans les pattes. Et en fait, lui, c'est un vrai gentleman. Il est marié, il a une famille. Ça ne veut rien dire. Il est malheureux, ça se voit. C'est quelqu'un de très sensible et très intelligent. Il parle de politique, de toutes ces choses. Je suis obligée de noter ce qu'il me dit pour me rappeler. Je dois le revoir, mais il est toujours entouré d'une cour, ça m'intimide. Nous en avons déjà parlé. En politique, l'entourage peut être très toxique, voire franchement dangereux. Surtout si vous devenez trop proche. Vous serez épié dans tous vos faits et gestes. Oui, mais pour l'instant, j'ai surtout peur d'avoir l'air stupide. Vous n'êtes pas stupide. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Préparez la rencontre. Suivez l'actualité, quand vous le verrez, posez-lui des questions. Ah, c'est une excellente idée. Et les hommes adorent qu'on leur pose des questions. Attendez. Vous pouvez lui parler de Cuba. C'est le sujet chaud en ce moment. Par exemple, vous pouvez lui demander s'il pense que l'embargo est la meilleure solution pour que le peuple se retourne contre Castro. Et vous pensez vraiment que l'embargo de Cuba est la meilleure solution pour que les peuples se retournent contre Castro? Ça, c'est une question piège. Marilyn, je ne sais pas trop quoi te dire. Je pense juste aux populations civiles et je me dis aussi que cela peut pousser Castro à se rapprocher encore plus des soviétiques. C'est un vrai risque, mais on ne peut pas ne rien faire. Ça serait un aveu de faiblesse. Je ne savais pas que la politique t'intéressait à ce point-là. Je ne suis pas qu'une tête bien faite. Ce qui ne gâte rien. Los Angeles, mai 1962. Je suis désolée de t'avoir tiré du lit. Non, tu as bien fait. Ma sinusite ne passe pas. Je suis censée être sur le plateau, mais ma sinusite... Je m'en veux de laisser ce pauvre Dean Martin tout seul. T'inquiète pas, ils vont tourner d'autres scènes. Bonjour. Oh, monsieur Kennedy. Bonjour. Appelez-moi Bobby. Je suis un peu surprise, Jeanne est ma meilleure amie. Tu l'as déjà croisée? Ah oui, oui, sûrement. Vous allez bien? Oui, je... Bon, je vais vous laisser. Merci d'être passée. Hein. Je t'appelle. Bisous. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir, Miss Jeanne. Il faut que tu viennes chanter pour l'anniversaire de mon frère. Ça va être exceptionnel. Ça sera en direct, tu seras la star de la soirée. J'ai une sinusite, Bobby, ça va être compliqué. Les gens du studio n'apprécieront pas que je parte à New York comme ça. Bah, si c'est que ça, je m'occupe d'eux. Allez, allez, dis oui. Il faut que je fasse l'aller-retour en 24 heures. Ça marche. Dis donc, c'est quoi ces carnets? Tu sais que je prends des notes. Oh, c'est mon journal, lâche ça. Il y a pas le truc que je t'ai dit là-dedans, Marilyn. Ce sont des choses qu'il faut pas répéter, ça. Mais personne d'autre que moi y a accès. Mais tu les laisses traîner par terre dans ta chambre. Mais il faut que tu t'en débarrasses, tu ne te rends pas compte. New York, 19 mai 1962. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thank Mr. President for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday! Hollywood selon Eda Hopper. On peut dire que la prestation de Marilyn Monroe lors de l'anniversaire du président Kennedy ne sera pas passée inaperçue. Tirons-lui quand même notre chapeau, malgré son état d'ébriété avancé, elle a chanté à peu près juste. On se souviendra du sourire crispé du président et on se réjouit pour lui que sa femme n'ait pas assisté à ce triste spectacle. De retour à Hollywood, Mademoiselle Monroe n'est pas réapparue sur le tournage de Something's Got to Give. Le réalisateur George Cukor nous confie que son escapade à New York aura été la faute de trop pour les producteurs de la Fox qui la renvoient du film pour rupture de contrat. La carrière de la fantasque Marilyn subit un sérieux coup d'arrêt dont il sera difficile de se relever. Enregistrement de la journée du 14 juin 1962, résidence Cursum Perficio, Los Angeles. voudrais parler au président, s'il vous plaît. Oui, c'est encore moi. Eh bien, je rappellerai jusqu'à temps que vous me passiez. Je sais qu'il est à Washington aujourd'hui. Vous n'avez même pas essayé de savoir s'il peut prendre la conversation. Appelez-le et dites-lui que Marilyn veut lui parler. Bien, ok, merci. Robert ? Oui, oui, enfin non, ça ne va pas. Ton frère ne me prend plus au téléphone. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Non, ça ne marche plus, ton baratin. Je sais que c'est toi qui es derrière mon licenciement. Maintenant, il me réclame 750 000 dollars. Je n'ai pas cet argent. Vous essayez de vous débarrasser de moi. Mais tu les connais, ceux qui font ça. Pourquoi est-ce que tu veux ruiner ma carrière? Non, j'ai arrêté d'écrire. De toute façon, tu ne me parles presque plus. J'ai rien à noter. Hein? Non, tu ne les auras pas, je les ai jetés. Réveille-toi un peu, c'est ton ex-mari préféré, Marilyn. Hey. Oh, Joe. Hey, excuse-moi, je... Non, je... C'est juste que j'ai besoin de dormir avec tout ce qui se passe. J'ai appris pour ton contrat. Je suis venu voir comment ça va. Bon, si tu viens me bassiner pour que j'arrête le métier, c'est pas le moment. On en a déjà parlé. Ta carrière ne durera pas toute ta vie, hein. C'est peut-être un signe pour que tu arrêtes. Hors de question! Je vais me battre. C'est ces salauds de Kennedy qui sont derrière tout ça. Enfin, John surtout, parce que c'est lui qui influence Bobby. Si je vois Bobby seul, je pourrais le convaincre de le laisser tomber. Mais je crois qu'il a peur. Il a peur de ce qu'il pourrait vivre avec moi. Pourquoi tu fais une fixation sur les Kennedy? J'essaie de te parler, moi, de toi, de nous, et tu me bassines avec eux. Ils sont mariés, ils s'en foutent de toi. C'est pas vrai. Mais regarde-toi! Tu te rends pas compte que je suis seul qui s'occupe de toi? Non, c'est pas vrai. Mais enfin, bon sang, ouvre les yeux! Bon sang, mais tu es encore bourré de pilules! T'es qu'une junkie, qu'il faut te réveiller. Allez, secoue-toi! Secoue-toi! Excuse-moi. Excuse-moi, je... Je suis désolé, pardon. Excuse-moi. Enregistrement de la journée du 4 août 1962. Résidence Coursoun Perficio, Los Angeles, 9h40. Bonjour Jeanne, je te réveille, on dirait. Je suis désolée, j'ai quasiment pas dormi, une folle m'appelle la nuit en ce moment. Non, elle m'accuse de lui voler son mari et elle m'insulte. Ah oui, merci. C'est dingue, la Fox me propose un contrat en or pour reprendre le film et ils ont viré Cucor. On dirait que je suis convaincue les patrons. Et tant pis pour Bobby, il vient sur la côte ce week-end, tu sais. T'as raison, il faut tourner la page. Avec en plus l'énorme article dans Life et les photos dans la piscine, j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un à Hollywood. Je démarre une nouvelle vie. Il faut que je fasse le ménage autour de moi. J'ai déjà viré ma coach. Et puis, Eunice, ce matin, je lui ai donné son chèque. Mais elle me surveillait. Jeanne, tu vas dire encore que je débloque. Mais on me surveille. Je le sais, je le sens. J'ai vu plusieurs fois la même voiture qui guettait dans l'impasse. Enregistrement de la journée du 4 août 1962. Résidence, Coursoun Perficio, 14h30. Tu m'obliges à passer alors que je ne suis là que quelques heures. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. Tu te moques de qui, Bobby? Tu me prends, tu me jettes, ta femme me harcèle au téléphone. C'est elle la folle, elle m'appelle la nuit maintenant. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'invente rien, je l'enregistrerai la prochaine fois. De toute façon, je t'ai dit, c'est terminé. C'est pareil pour John. On ne peut plus se voir. Et il nous faut tes carnets. Mais va te faire foutre! Je ne te donnerai rien. T'as noté des secrets d'État là-dedans. J'étais assez idiot pour te parler de ces choses, mais il faut les détruire maintenant. Tu veux parler de l'assassinat de Castro ou des programmes nucléaires? Mais je n'ai pas besoin des carnets, Bobby. Je m'en souviens très bien de tout ça. Arrête, c'est surréaliste. Si tu me laisses tomber, je vais voir la presse lundi à la première heure et je balance tout. Calme-toi. Tu ne sais plus ce que tu dis, réfléchis et on en reparle. Bon, il faut que j'y aille. Mon absence va finir par se remarquer. Enregistrement de la journée du 4 août 1962, résidence Corsum Perficio, 17h40. Allô, Jeanne ? Jeanne, j'ai un service à te demander. Maîtresse des cachets ? Tu pourrais m'en trouver ? Ah, j'en ai plus assez. Bobby est passé, on s'est disputé. Oui, je vais faire ça. Merci. Bisous, ma belle. Tu sais, les cachets, c'est pour calmer les petites voix. Elles sont revenues. Enregistrement de la journée du 4 août 1962, résidence Corsum Perficio, 19h30. Ah. Docteur Grinson, quel soulagement de vous voir. Quand Unis m'a dit votre état, je ne pouvais pas ne pas venir. Elle est encore là, cette sorcière. Pourtant, je l'ai virée. Tu entends ? T'as plus rien à faire ici ! C'est chez moi ! Elle prépare ses affaires. Elle partira sûrement demain. Bon, dites-moi ce qui se passe. J'ai la CIA et les Kennedy sur le dos. Et sûrement la mafia. Ils sont là, tout autour, à m'espionner. Mais j'ai pas peur d'eux. Je sais trop de choses. Je suis la plus grande star d'Hollywood, ils ne peuvent rien me faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va aller, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Les petites voix recommencent. Je suis à bout. Je n'arrive plus à penser. Bon, pour l'instant, je les bloque. Je sais que je ne suis pas folle, mais à force. Je ne vais pas leur donner raison. Je vais les faire payer tout cela. Ils me tournent tout autour comme des chiens. Si je faiblis, ils vont se jeter sur moi, me mordre. Déchiqueté, ils veulent tous un morceau de moi. Je vais vous faire une petite injection et je vais rester jusqu'à ce que ça aille mieux. Il ne vous arrivera rien. Il faut que je sois en forme tout à l'heure. J'attends de la visite. Enregistrement de la journée du 4 août 1962. Résidence Corsum Perficio, 22h30. Ça va ? Marilyn ? Vous dormez ? Oh mon Dieu ! Marilyn, répondez ! Marilyn ! Marilyn ! Thank you. Marilyn, Cursum Perficio, ici s'achève mon chemin, de Vincent Hazard. Avec Georgia Scalier, Marilyn, Sharif Andoura, Robert Kennedy, Sylvia Berger, Eda Hopper, Jean-Paul Comard, Dr. Grinson, Françoise Cousin, Jeanne Carmen, Christophe Raymond, Joe DiMaggio et la voix de Swann de Marsan. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Jehan Richard Dufour et Manon Houssin, assistante à la réalisation, Clémence Bûcher et Yaël Mandelbaum, réalisation, Benjamin Habitant. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies le grand amour raye le jour. Et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie. À l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit. Jusqu'à la fin du monde. What happened? Did you just stop loving your wife, Gay? Well, I come home at night and she's all wrapped up in a car with a fella. Huh. You never had any idea, huh? No. You know, in those days, I thought you got married and that was it. But nothing's it. Not forever. That's what I can't get used to. Everything keeps changing. Let's go out in the sunshine. Come on. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Marilyn Cursum Perficio. Ici s'achève mon chemin. Notre invité, Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Vous avez commencé votre carrière comme reporter, puis à la présentation du journal télévisé de 13h sur Antenne 2 au début des années 80. Vous devenez ensuite vice-président de la station RTL en 96. Et vous avez écrit des œuvres souvent autobiographiques, mais pas que. De votre service militaire en Algérie, c'était en 1960 je crois, né des feux mal éteints. Et puis vous recevez en 86 le prix Interallié pour l'étudiant étranger. Vous devenez réalisateur avec Tout peut arriver. En 1969, je ne cite que ce film, il y a d'autres. Viennent ensuite les ouvrages Un été dans l'Ouest en 88, 15 ans en 92, La traversée en 96 ou encore Manuela en 99. Et en 2002, vous publiez Je connais des gens de toutes sortes, un ouvrage qui réunit des portraits divers d'artistes. Alors je le disais en présentation, les États-Unis vous passionnent, ce pays a nourri une bonne partie de votre œuvre littéraire, donc que ce soit les Kennedy ou Marilyn Monroe, ce sont des mythes fondateurs des États-Unis, enfin des grands mythes d'aujourd'hui, et qui vous intéressent évidemment. Et pourquoi d'ailleurs vous êtes-vous intéressé à Marilyn Monroe? Justement parce qu'elle est l'un de ces mythes américains. Oui, comment ne pas s'intéresser? Oui, on peut poser la question comme ça aussi. À cette Norma Jean Baker qui effectivement vit une vie qui ressemble à un feuilleton et un film. Ça pourrait être un film, comment dirais-je, romanesque et en même temps violent. Parce que Misfits raconte une partie de sa solitude, mais au fond, elle a une vie à la fois passionnante et en même temps tragique. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais heureuse, véritablement, sauf peut-être quand elle tourne une ou deux fois avec Laurence Olivier, encore que lui, il l'a martyrisé lui aussi. Elle est la proie, véritablement, des hommes d'Hollywood. avant qu'elle devienne une star inaccessible, mais elle a passé beaucoup de temps dans les bureaux des producteurs. Si la proie, disons. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'était ça, hein. Promotion canapé. Mais il est vrai que tous les metteurs en scène qui l'ont utilisé, ne serait-ce qu'à ses débuts, c'est-à-dire par exemple John Huston dans La Ville d'Or, Asphalt Jungle, on la voit très peu. Et par exemple aussi dans All About Eve, on la voit très très peu. Mais à chaque fois, elle éclate, elle pulvérise l'écran. Donc elle avait ça. Elle était amoureuse de la caméra autant que la caméra était amoureuse d'elle. Et dans la vie, très certainement, elle était peut-être plus décevante. Il n'empêche aussi, il faut se souvenir qu'elle a été l'égérie de milliers de photographes. Les photographes l'ont adorée. Et il la suivait, elle a eu plusieurs affaires d'ailleurs. Vous disiez qu'elle a eu 40 amants, je pense que vous êtes un petit peu en dessous de la réalité. Et parce que les photographes trouvaient en elle, la même chose que la caméra de cinéma, une lumière, un pétillement dans l'œil, la sensualité extraordinaire de sa bouche, la coiffure blonde. Il faut bien voir aussi qu'elle est la blonde. Elle est donc, d'une certaine manière, Hollywood. Elle représente Hollywood. Alors, on va revenir sur sa vie, mais allons vers sa mort d'abord. Parce qu'on a tout dit sur sa mort. Crime d'amour, déguisé, suicide, meurtre politique, CIA, mafia, les Kennedy, son psy. Bon, qui faut-il croire? Il faut croire personne. D'abord, si, parce que tous les témoignages vraiment importants, les témoins ont disparu. Donc on se retrouve exactement comme avec l'affaire Kennedy, pratiquement 50 ans plus tard, hein, avec une masse de documents, de confessions, d'inventions, selon moi, de mythes, selon moi, parce que sur un mythe pareil, on peut rajouter d'autres mythes. La réalité de sa mort, selon moi, et j'ai quand même beaucoup enquêté là-dessus, puisque un an après sa mort, j'étais pour François, le grand François de la grande époque. Celle de Lazareff? Oui, 63. Pierre Lazareff m'a dit, écoutez, Labro, il y a quand même un an qu'elle est morte, on sait rien ou presque, allez-y. Et j'ai dû passer 3 semaines à Hollywood à poser des questions, pas forcément à des gens célèbres, mais à sa maquilleuse, à son coiffeur, à la femme de ménage, à toutes les petites gens qu'elle adorait d'ailleurs, parce qu'elle-même se considérait comme toujours une petite gens, même si elle était aussi une star. Et moi, l'ensemble de ce que j'ai pu ramasser et à quoi j'ai pu réfléchir, c'est que personne ne l'a tuée, sauf elle-même, et qu'elle est morte de solitude, d'abandon, évidemment d'un excès de médicaments et de somnifères et l'alcool, mais que pour moi, il n'y a aucun mystère. Alors évidemment, on a fabriqué tous les mystères. Pour que ça soit un mythe jusqu'au bout, oui, forcément. Cela dit, il y a des questions sur lesquelles on a encore beaucoup de mal à répondre. Par exemple, oui ou non, Bobby Kennedy, qui a été un de ses derniers amants, beaucoup plus longtemps d'ailleurs que John, est-il venu la voir la veille ou le jour même pour lui dire de commencer à arrêter de dire n'importe quoi sur le président? Vous savez qu'elle se prenait pour la présidente. Elle avait écrit une lettre à Jackie Kennedy pour lui dire « Écoutez, madame, je suis désolé, mais c'est moi qui vais prendre votre place. » Si, si, car elle est elle-même mythomane, bien sûr. Les comédiens le sont souvent. Tout de même, est-ce que ça n'a pas été... Alors, évidemment, vous allez me dire, je ne sais pas non plus, mais pour paraphraser Hitchcock, pour le coup, la femme qui en savait trop par rapport aux Kennedy? Elle en savait beaucoup, parce que les Kennedy étaient vraiment très, négligents et même pratiquement inconscients. On ne couche pas avec n'importe qui, n'importe quand on est soit président de la République, soit ministre de la Justice, même si on s'appelle Kennedy et que l'on croit qu'on est strictement impuni et qu'on peut faire ce que l'on veut. Donc, ils ont peut-être un peu parlé, oui, mais ça me surprendrait franchement qu'il lui ait ouvert les dossiers de la CIA, comme on l'a prétendu, qu'il lui expliquait comment ça s'était passé avec Khrouchtchev pendant la crise des missiles de Cuba. Je crois que tout ça relève, encore une fois, de la mythomanie. Mais c'est elle qui l'entretenait, parce qu'elle avait été littéralement mais transcendée par le fait qu'elle a eu cette liaison avec les deux hommes de pouvoir. Notez qu'elle n'aime et qu'elle se marie qu'avec des hommes de pouvoir. Ouais. Joe DiMaggio, le meilleur joueur de baseball de l'époque, Arthur Miller, grand écrivain, Kennedy, elle ne l'épouse pas, mais c'est aussi le pouvoir suprême, donc elle va chercher non seulement les hommes de pouvoir, mais toujours le même genre d'hommes. Ils sont grands, ils sont beaux, ils ressemblent au père qu'elle n'a jamais eu. Alors, maintenant que tout ça a été dit, revenons sur la jeune fille Norma Jean Baker. On va retracer son parcours, famille. Premier mariage avec Jim Dougherty, elle avait 16 ans, il en avait 21, il travaillait comme ouvrier. Robert Mitchum était l'un de ses copains, le cinéma déjà. C'est quoi les premières années de Norma Jean Baker? C'est encore une fois la découverte par les photographes, ce sont les photographes qui l'ont lancée. je ne sais plus lequel d'entre eux, peut-être effectivement recommandé par le copain du copain de Mitchum. On est quand même dans une petite communauté qui s'appelle Los Angeles, Hollywood. C'est pas aussi petit que ça, mais enfin, l'univers du spectacle est là. Et je crois que le premier photographe a tout de suite vu justement ce que je vous disais il y a un instant, sa photogénie inouïe. Ça a commencé comme ça. Les photos sont distribuées. Vous savez qu'elle a fait aussi la fameuse, le fameux calendrier, la Pin-Up Girl, où elle est pratiquement nue, sauf que c'est évidemment de façon suffisamment discrète. Et c'est une photo, c'est un calendrier qui a été affiché dans toutes les casernes de l'armée américaine. Ouais. Donc, ça commence par des tout petits rôles, ça commence par, à mon avis, l'exploitation de son corps par les gens qui disent bon, « Ok, vous venez tourner, mais en passant, venez donc me voir dans mon bureau. » Mais tout de suite, encore une fois, je vous assure, les premières apparitions, on se dit « Tiens, là, il y a quelque chose. » Et ils sont pas fous, les talent scouts, hein, ceux qui recherchent justement la nouvelle star, la nouvelle actrice. Ils ont vite compris, et elle est montée relativement vite en puissance, hein, dans l'univers hollywoodien. Et moi, je pense que c'était une très bonne comédienne. On le voit d'ailleurs dans Misfits, bien sûr, mais dans Misfits, elle joue même pas. Ouais. Elle est son rôle, elle est la vie même. Mm. Elle est ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire le malheur, la souffrance, le malentendu conjugal, la désespérance, la dépression, et c'est une femme désespérée, effectivement. Alors, est-ce que c'est cette réputation de jolie idiote, entre guillemets, genre « sois belle et tais-toi », ça va commencer là? Parce qu'elle en a beaucoup souffert de ça. Oui, elle en a tellement souffert qu'elle avait eu l'intelligence assez vite, quand elle a commencé à donner des interviews et tout, de citer Saint-Augustin, Descartes, Hemingway, Steinbeck, pour leur montrer à tous ces gros connards, comme elle les appelait, qu'elle était cultivée, qu'elle lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup, comme beaucoup d'autodidactes d'ailleurs. Et on a vite compris qu'elle avait en plus le sens inouï de la formule. Personne ne lui écrit les fameuses répliques, en particulier celles où, lors d'une conférence de presse à New York, là où elle était assaillie par les photographes, « Avec quoi dormez-vous la nuit ?» Elle dit « Channel number 5 ». C'est-à-dire, il n'y a pas de pyjama, il n'y a pas de robe de nuit, je dors avec un parfum. Bon, et elle a eu beaucoup de répliques comme ça. Elle avait beaucoup d'humour, en fait, beaucoup d'esprit. En fait, c'était une fille très intelligente. Il ne faut jamais oublier que Marilyn est l'auteur d'une phrase que beaucoup de romanciers lui envient. Elle a dit un jour, la gravité finit toujours par vous rattraper. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab. And when he starts to grab, I said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. Philippe Labrosse avec passion et plaisir que nous parlons de Norma Jean Baker, dite Marilyn Monroe, parce que des personnages comme ça, il n'y en a pas, il y en a pas tant que ça. Alors, bon, vous avez démythifié tout ça, et tant mieux concernant La Belle Blonde, Sois Belle et Tais-toi. Je reviens quand même sur ce qu'avait dit Billy Wilder, il n'avait pas forcément raison, hein, mais il disait d'elle, très méchamment, je trouve, elle avait des seins en granit, mais un cerveau en gruyère, plein de trous, une emmerdeuse, conne et paresseuse, mais excellente artiste, à la 67e prise. Pourquoi un portrait comme ça au vitriol? Bah parce que Billy Wilder n'avait pas la langue dans sa poche. Ouais, enfin bon. Et il n'était pas misogyne, mais enfin, il avait un regard très cruel sur les femmes, et très dur. Hein. Il n'y a pas seulement Marilyn, Kim Novak dans Kiss Me Stupid. Bon. Je pense aussi qu'il avait un mauvais souvenir du tournage, car c'était sur le plateau une emmerdeuse. Effectivement. D'abord, elle arrivait en retard. Alors, pourquoi elle arrive en retard? Pourquoi? Ce manque de rigueur. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Quelqu'un qui arrive en retard, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de venir et qui, en même temps, a envie d'être attendu. Ouais, on peut le voir comme ça. Ouais. Mais oui, bien sûr. Ça peut aller même encore plus loin, si on est un psychanalyste, ce qui n'est pas mon cas. Donc, elle arrive en retard. D'autre part, Billy Wilder, il faisait peut-être 73 prises, ce qui n'est pas vrai, il n'en a jamais fait 73. Mais ça, c'est du Wilder typique. Mais pourquoi? Parce qu'il essayait d'obtenir le meilleur d'elle, car il savait qu'elle avait encore quelque chose qu'elle ne lui avait pas donné à la prise précédente. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, il la respectait. Mais bon, on peut pas dire qu'Hollywood est un endroit où la charité est très répandue. Donc quand on l'interrogeait sur elle, il répondait cela. Mais ça fait penser aussi, si vous voulez, à ce que disait Hitchcock à propos d'Ingrid Bergman, qui un jour était là, l'emmerdée sur le plateau, mais ceci, cela, est-ce que je dois faire ceci? Mais pourquoi l'héroïne fait cela? Et Hitchcock lui dit, Ingrid, it's only movies. C'est seulement du cinéma. Bon, pour Marilyn, c'est bien plus que du cinéma. On va parler de son second mari, Joe DiMaggio. Alors, vous l'avez dit, un grand joueur de baseball. Alors, lui, il a toujours accompagné, jamais abandonné. Comme on le voit d'ailleurs dans la fiction qu'on a pu écouter, c'était vraiment un appui très fort. Oui, c'est exact. Il lui a été fidèle après avoir été infidèle et qu'elle a été de son côté. Bon, le mariage s'est brisé, mais il a toujours conservé avec elle une relation de tendresse et de loyauté. C'est le seul qui, lorsque elle est morte, qu'on l'a enterrée donc à Hollywood, sur une petite tombe très modeste, hein, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur la pierre, c'est le seul qui venait très régulièrement et pendant très très très longtemps poser des roses sur la pierre tombale de Marilyn, de Norma Jean Baker. Mais parce que c'était quand même, d'une certaine façon, il lui ressemblait plus que les autres hommes, et surtout Miller. Miller, c'est l'intellectuel par excellence, grand dramaturge, grand romancier. Joe DiMaggio, il vient de nulle part. Mmh. C'est un grand sportif, c'est un grand athlète populaire, venu sans doute de je ne sais quel quartier de la petite Italie, puisque DiMaggio, c'est pas tout à fait loin de l'Italie. Et sans doute retrouvait-il en elle ce que lui-même avait connu. C'est l'émergence de nulle part, on vient de la rue, pour devenir une star. Ouais. Mais regardez par exemple la petite liaison qu'elle a eue avec Yves Montand, c'est pareil, Montand il ressemble à DiMaggio. Et à l'Italie aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Elle aimait les grands hommes bruns, costauds, et encore une fois, porteurs d'un pouvoir et d'une puissance. Alors, les maris, on arrive à Arthur Miller, on l'a déjà un peu évoqué. Alors donc, l'imaginaire comme ça, primaire, collectif, il y a l'intellectuel et puis l'idiote. Donc c'est faux, hein, on vient de démythifier tout ça. Comment ça fonctionnait ce couple-là? Apparemment, au début, il est totalement mais subjugué, hein, parce que il a beau être un grand intellectuel, il n'en est pas moins homme. Ben, on n'en est pas moins homme, on n'en est pas moins épaté et fou de joie dans son narcissisme, puisque tout écrivain est un narcisse, que cette si belle femme, le mythe vivant, la star mondiale, se retrouve dans son lit. Donc, je pense qu'au début, c'est tout simplement une passion d'ordre sensuel et sexuel. Ensuite, il se rend bien compte à quel point elle est compliquée et à quel point quand même, même si nous avons dit tous les deux qu'elle avait une intelligence, c'est pas l'intelligence à la Miller. C'est pas du tout la même façon de réfléchir, d'écrire. Elle écrit pas aussi, elle a écrit, mais on a découvert beaucoup plus tard ses écrits, qui sont d'ailleurs pas extraordinaires entre nous, sauf que comme c'est Marilyn, on leur accorde une importance démesurée. Et je pense qu'il y a tout simplement, peu à peu, une sorte de trou qui s'est creusé, une sorte de... Non pas une abysse, mais c'était très profond, la différence. Trop profonde. Ouais. Ça pouvait pas durer. Et puis ces mariages-là ne durent pas. Vous savez, les mariages entre stars, c'est une star de la littérature, elle est une star du cinéma, j'en connais pas beaucoup qui ont duré. Bon, alors les Kennedy, on en a parlé, on a compris, hein, elle aime les hommes bruns, beaux et qui ont du pouvoir. Donc les Kennedy, on le profile, hein, effectivement. Oui, cela dit, ils sont pas bruns les Kennedy, hein, c'est plutôt... Oui, c'est vrai que c'est pas brun. C'est un roux foncé. C'est des roux, hein, c'est d'origine irlandaise. Sandy, comme on dit. C'est un roux sableux. Bon. Très séduisant. Enfin, ils sont séduisants, oui, ils sont pleins de santé, représentés l'Amérique jeune, optimiste, enfin, il y a tout cela. Donc on comprend l'attirance de Marilyn pour eux, mais quelle est la nature de l'attirance des Kennedy pour Marilyn? Simplement une attirance d'homme, presque. Je suis convaincu que c'est ça. C'est ça, hein, ouais. Je suis convaincu que c'est ça. Pardon d'être vulgaire et familier, mais c'est un bon coup. Pourquoi son enfin, il considère que c'est un bon coup. À mon avis, ça l'était pas. Ah bah ça. Alors là, bon, pourquoi Donald Sopo, dans son biographe, dit qu'elle était une sainte, finalement, que tout est mensonge autour d'elle, et que si on enlève tous les mensonges, il reste une sainte. Le mot est peut-être un peu fort, non? Je pense que c'est un peu fort, oui. Bon. On peut pas sanctifier une femme pareille, c'est pas vrai. Mm-hmm. Je pense que là, il confond star et sainte, voilà. Parce que la star de l'époque, ce genre de star-là, les stars style Sinatra, un vrai Bogart, ont quelque chose de presque sacré. Mais bon, elle n'était pas plus sainte que vous ou moi. C'était une femme avec ses travers, avec ses faiblesses énormes, et en même temps avec quand même cette capacité de vous fasciner. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, elle a fasciné. Elle chante pendant la guerre de Corée devant des milliers de GIs, et c'est pour elle pratiquement le moment le plus jouissif de son existence. Et vous savez ce que vous dites, parce que j'y pense depuis quelques minutes, depuis qu'on parle, je fais un parallèle, mais qui ne va pas trop loin quand même, avec elle et Marlène Dietrich, blonde, l'incarnation de la star, qui va chanter aussi, qui a un intellect, hein, puisqu'on pourrait pas, je trouve qu'il y a une espèce de parallèle, enfin qui s'arrête là, quoi. Oui, c'est pas tout à fait la même fin, hein, parce non. Marlène, d'abord, dure beaucoup plus longtemps oui. que Marilyn, et elle dure d'ailleurs dans la gloire, dans le luxe. Après, elle a quand même toute cette période à Paris où elle est quasi recluse quand même. Hein, elle est recluse, c'est vrai. Mais c'est pas la même mort, mais il y a des parallèles. Peut-être. Mais elles sont toutes d'une certaine façon recluses. Ouais. Greta Garbo, bien évidemment. Il y a un moment donné, je crois, dans la vie de ces stars-là, où elles veulent, c'est arrivé à Bardot, ce que Louis Malle a très bien reproduit dans Vie privée, où elles veulent absolument se retirer de ce monde où on ne regarde que leur corps, on ne parle que d'elles, et en fait, on ne les prend pas pour ce qu'elles croient être. Merci Philippe Abreu, ce sera le mot de la fin. Merci pour vos éclairages et votre passion des États-Unis. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Marilyn Coursum Perficio. Ici s'achève mon chemin. Fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Benjamin Habitant et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard.